Deuxième acte. Isabelle, rêveuse, est assise sur le tabouret. Crockson la regarde avec admiration, longuement. Soudain, Crockson éclate d'un rire silencieux en regardant sa montre. Raskas, qu'est-ce qui vous fait rire, monsieur Crockson ? Crockson, je ne ris pas, monsieur Raskas. Je n'ai jamais moins ri. À ce moment, le groom pareil. Il est vêtu du classique uniforme des hommes sandwich. Il porte sur le dos une pancarte qu'il vient complaisamment montrer à Isabelle et sur laquelle on peut lire en énormes caractères « Crockson est le plus grand amant de tous les siècles ». Plus fort que Roméo, Don Juan à l'école. Et au verso, la technique de Crockson est impeccable, l'essayer, c'est l'adopter. Raskas admiratif. C'est vrai, monsieur Crockson ? Crockson, vous voyez, ça se sait déjà ! Le groom est sorti. Isabelle, c'est vrai, monsieur Crockson ? Crockson, je le crois. Isabelle, très intéressée, mais pas convaincue. Tiens, tiens. Le groom est déjà revenu. Il porte une nouvelle affiche qu'il vient promener sous les yeux d'Isabelle et sur laquelle on lit « Crockson est le plus beau ». Isabelle, dans mes bras, monsieur Crockson. Attendez, attendez. Il demande au groom de se retourner. Celui-ci obéit, au verso on peut lire. Et c'est aussi le plus intelligent. Isabelle regarde Crockson, relit la pancarte, fait la moue et sort en disant « Quel dommage ». Je ne comprends pas. On m'avait pourtant dit que la publicité... Parce que c'est idiot. Crockson, oui, c'est idiot. Tant pis, travaillons. Il veut se jucher sur le dos de Raskas. Raskas furieux. Est-ce fini? Crockson, oui. Assez. Oui. Raskas, je n'aime pas les idiots. Crockson, ah. Et je ne suis pas un idiot. Crockson, ah. À preuve, dit Raskas. Et il prend l'attitude du penseur de Rodin. Hein ? Crockson. Quoi ? Tu as vu la preuve ? Il reprend l'attitude. Quelle preuve ? Raskas. La preuve que je ne suis pas un idiot. Crockson. Laquelle ? Raskas définitif. Je pense. Crockson hurle en s'enfuyant. Il est faux ! Il est faux ! Raskas est faux ! Auguste entre. Raskas est faux ! Auguste à Raskas. Vous êtes fou, monsieur ? Raskas. Il paraît, monsieur. Auguste. Oh, alors ? Monsieur est fou ! S'il vous plaît, un peu de musique ! Auguste s'assure de la solidité de l'échelle, se prépare soigneusement comme pour un tour de force, trémolo à l'orchestre. Auguste monte 4 échelons. Hop là, Auguste, qui est là? Moi? Vous, Isabelle? Auguste, très dégagé, excusez-moi. Isabelle, tu ne m'avais pas reconnu? Auguste, je vous connais si peu. Oui, je vous connais si mal. Tu me connais mal? Ou plutôt, je ne vous connaissais pas. Évidemment, je ne vous connaissais pas. Je ne vous connaissais pas. Isabelle, et maintenant? Je n'ignore plus rien de vous. C'est une chose affreuse. Isabelle, comment? Je ne pouvais pas croire que vous étiez cette femme-là. C'est admirable. Vous n'êtes que cette femme-là. Mais quelle femme? Celle que je dis, cette femme-là. Isabelle, une femme comme les autres. Auguste, en haut de l'échelle. Eh oui, comme les autres, comme toutes les autres. C'est affreux, c'est admirable. Je ne vous comprends pas. Je vous comprends, enfin. Isabelle, qu'as-tu compris? Vous n'avez pas de cœur. Qu'en sais-tu? En tout cas, vous n'en aurez jamais pour moi. Je n'ai plus à m'inquiéter de cela. Je sais que vous ne souffrirez jamais à cause de moi. Je vais pouvoir tout me permettre. Isabelle est là. Oui, je vous aime, Isabelle, je vous aime. Ça n'a plus aucune importance. Et je vous aime vraiment, vous savez. Ce n'est pas pour rire. Et à cause de vous, ce n'est pas pour pleurer non plus. Isabelle, avec presque de la tendresse, Auguste. On ne prononçait pas mon nom sur ce ton-là, il ne veut plus rien dire. Isabelle en riant. Auguste, bon, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Oui, Isabelle, je vous aime, figurez-vous. Je peux bien vous le dire maintenant, je peux même vous le dire bien, ça n'a plus aucune importance. Mais je le sais. Oui, justement, vous le saviez. Vous vous êtes moqué de moi avec eux et vous saviez que je vous aimais. Vous saviez de quelle façon, imbécile, disons-le, imbécile. Et vous m'avez berné, j'ai tout compris. Vous dites, je n'ignore plus rien de vous, c'est affreux, c'est admirable. Isabelle, tu ne m'aimes plus? Si, autrement, je vous aime comme eux, comme les autres. Quelle aubaine, vous n'êtes que cette femme-là. Isabelle, tu n'as pas eu de chagrin à savoir? J'ai eu de la peine à comprendre. Tu ne m'aimes plus? Je vous aime d'une autre façon. J'aimais mieux la première. Moi aussi. Isabelle, que vas-tu faire? Je ne sais pas. Il descend 2 échelons. Isabelle, tu ne veux pas m'aimer comme avant? Je ne peux plus. Vraiment? Vraiment. Je ne peux plus, je suis trop content que vous m'ayez libéré. Je ne veux plus pleurer, je ne veux plus souffrir. Isabelle, oh, pourquoi? Auguste, il descend 1 échelon. Je ne vous aime plus, comprenez-vous? Je vais retourner dans le public. Isabelle, oh, pourquoi faites-vous? Je ne veux pas que vous partiez. Vous avez une belle âme, je me contenterai de l'amour que vous avez pour moi. Auguste descend 1 échelon encore en disant, bon, Isabelle, vous me parlerez encore des étoiles, dites du gazouillis des oiseaux, de la chanson des sources. Auguste, oui. Isabelle, vous me parlerez encore de votre amour? Auguste, sans vérité, très détaché. Oui, Isabelle, je vous aime. Isabelle, vous m'aimez? Vous m'aimez? Prouvez-le. Elle lui tend ses lèvres. Il l'embrasse, elle va parler. Auguste, chut! Ne gâtez pas cette seconde. Isabelle, le temps ne vous a pas paru long. Un petit temps, et la scène recommence sur un tout autre ton. Auguste, je ne vous connaissais pas. Isabelle, elle monte à l'échelle. Et maintenant? Auguste, je n'ignore plus rien de vous. Isabelle, crois-tu? Auguste, c'est une chose affreuse. Isabelle, encore? Auguste, je ne pouvais plus croire que vous étiez cette femme-là. Isabelle, quelle femme? Auguste, celle que je dis, cette femme-là. Isabelle, une femme comme les autres. Auguste, et non, pas comme les autres. Isabelle, mais pourtant tout à l'heure. Auguste, j'étais fou. Isabelle, et maintenant? Auguste, je suis fou d'une autre façon. C'est admirable, c'est affreux. Isabelle, Auguste. Auguste, grandement, ne m'appelez plus Auguste. Appelez-moi Coco. Isabelle, Coco? Auguste, mon Coco. Isabelle, mon Coco? Auguste, pas comme maintenant, nous avons l'air de perroquet. Appelez-moi mon chéri. Isabelle, mon chéri. Auguste, tu ne sais pas le dire. Isabelle, c'est un nom qui ne te va pas. Auguste, ah? Isabelle, mon coco, veux-tu? Mon coco. Auguste, vous n'avez pas de cœur. Isabelle, mais si. Auguste, je vous aime, Isabelle, je vous aime et je vous aime vraiment. Vous savez, je ne vous aime pas comme eux, comme les autres. Isabelle, pourtant tout à l'heure, Auguste, vous ne m'aviez pas encore embrassé. Isabelle, et si je ne t'embrassais plus? Auguste, quoi? Isabelle, si je t'avais menti tout à l'heure? Auguste, menti? En m'embrassant? Isabelle, oui. Je ne vous comprends pas. Isabelle, je te comprends, enfin, tu crois que je t'aime parce que je t'ai embrassé. Auguste, ben, voyons, naturellement. Isabelle, je t'aime comme un fidèle ami. Auguste, les fidèles amis ne s'embrassent pas sur la bouche. C'était par jeu. Je ne sais pas jouer. Isabelle, et si je ne t'aimais pas? Auguste, quoi? Mon coco, si je ne t'aimais pas? Vous voulez rire? Il désigne ses lèvres. Quoi? Auguste, affirmatif. Isabelle, eh bien, si malgré tout je ne t'aimais pas? Auguste, oh alors? Isabelle, alors? Oh! Auguste tourne sur lui-même. Oh, si je te perdais! Isabelle, je serais une femme perdue. Auguste, voilà, voilà. Mais il faut que tu m'aimes. Pour toi, pour moi, je t'assure, c'est bien mieux. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Isabelle, tu vas bien voir. Quand le saurai-je? Quand il sera trop tard. Hein? Quand il sera trop tard, quelle que soit ma réponse. Quand sera-ce trop tard? Bientôt. Isabelle, que faire? Oh, que faire? Isabelle descend un échelon et dit « Danse !» Au début, il danse avec elle, mais si mal, il lui écrase si souvent les pieds qu'elle l'abandonne. Alors il danse seul et merveilleusement. Et voilà. Isabelle descend encore un échelon et dit « Chante, Auguste. Tu as des chants mélodieux et des étonnements farouches. Pourquoi donc ouvres-tu la bouche quand tu m'embrasses sur les yeux? Tu as des rêves et des fièvres, d'obscurs désirs de merveilleux. Pourquoi donc fermes-tu les yeux quand tu m'embrasses sur les lèvres? Chacun de tes gestes est ainsi, et tu modifies ton sésame. Pauvre petit être indécis, bougre d'âme. » Et voilà. Isabelle descendant un autre échelon encore, pleure. Auguste essaie loyalement de pleurer. Puis il dit, je ne sais pas pleurer au commandement. Et si je vous tuais? Isabelle, je ne te le conseille pas. Auguste, et si je me tuais? Isabelle, je te survivrai. Elle est sortie. Je ne comprends pas, je ne comprends plus, je ne comprends rien. Je voudrais avoir des idées générales. Isabelle rentre en va-t'en. Auguste, comment? Isabelle, voici Crockson et j'ai à lui parler. Auguste, vous pouvez parler devant moi, ça ne me gêne pas. Isabelle, va-t'en! Auguste, bon, bon, il sort. Crockson, bonjour! Il embrasse Isabelle sur la bouche. Isabelle, bonjour. Crockson impérieux, encore! Il s'embrasse, avec reconnaissance et en la saluant. Merci, vous êtes bien aimable. Il a l'air de chercher quelque chose. Crockson, et Auguste? Quoi? Où est Auguste? Zut! Et Rascas, où il est, monsieur Rascas? Je ne sais pas. Votre conversation est peu variée. Où est Auguste? Où est Rascas? Où est mon chapeau? Je peux très bien parler d'autre chose. Tenez, par exemple, je vous aime. Ah oui, encore ça. Et puis, je vous adore. Hein? Et puis, à ce soir, naturellement. Hein? J'ai dit, à ce soir, naturellement. Isabelle, naturellement. Crockson, à ce soir, chez moi. Isabelle, non. Crockson, si. Isabelle, non. Crockson, si. Isabelle, non. Crockson, si. Isabelle, non. Crockson. Extraordinaire. Tu ne viendras pas? Je ne viendrai pas. Et pourquoi tu ne viendras pas? Je n'ai pas envie. Et pourquoi tu n'as pas envie? Ça ne m'amuse pas. L'amour n'est pas un amusement. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Extraordinaire. C'est un amusement? Isabelle, c'est une manière de tennis. On se renvoie un cœur de raquette en raquette. Il y a un filet dans le jet de tennis. Ne jetez pas le cœur trop bas, petite fille. Il se place derrière elle et lui parle dans le coude. « Tu viendras ce soir ?»« Isabelle, ne me faites pas ça. »« Crockson, tu viendras ce soir, dis ?» Isabelle faiblement, « Non. » Crockson, « Bon, alors à minuit, hein ?» Il va sortir. Isabelle négligemment, « Tu sais qu'Auguste est amoureux de moi ?» Crockson, « Quoi ?» Isabelle, « Il me sert de très près. » Crockson éclate de rire. Isabelle, pourquoi ris-tu? Crockson, je trouve ça très drôle. Auguste! Tu devrais te révolter. Non! Le corriger. Non! Penses-tu, Auguste? Ça ne compte pas. Tu me dirais que tu as embrassé Auguste, que je ne te croirais pas. Isabelle, et pourquoi? Tu n'es pas si bête. Il va sortir, il veut l'embrasser. À ce soir! Isabelle, esquivant le baiser et le rendez-vous. Non! Tu ne viendras pas ce soir? Non. Oh, c'est à cause d'Auguste? Non, penses-tu, Auguste, ça ne compte pas. Pourquoi alors? Bonsoir. Oh, Isabelle. Isabelle, l'as de cœur. Regarde. Il l'escabonne. Hein? Isabelle, non. Crockson, non. Regarde, l'as de cœur. Regarde. Il l'escabonne. Non? Isabelle, non. Elle est sortie. Crockson, vous avez vu, Monsieur Loyal? Je ne comprends rien. Je ne comprends rien, c'est magnifique. Il essaie à nouveau d'escamoter l'as de cœur, mais son échec avec Isabelle le paralyse. Il n'y peut parvenir. Auguste entre en réfléchissant. Serait-ce mon heure? Elle m'a dit, vous m'aimez, prouvez-le. Je le lui ai prouvé. Serait-ce mon heure? Il marche à grands pas autour de la piste sans se préoccuper de Crockson. Crockson lui courant après. Messieurs, messieurs! Qu'y a-t-il? Vous êtes amoureux d'Isabelle? Je vous l'ai déjà dit, monsieur. Vous la serrez de très près, de trop près. Qui vous l'a dit, monsieur? Elle-même! Isabelle vous a dit que je la serrais de très près. Oui, monsieur! Oh, elle raconte son bonheur à tout le monde. Serait-ce bonheur? Crockson lui botte les fesses. Auguste, non. Crockson, quoi? Non, ce n'est pas encore bonheur, mais elle viendra, elle viendra. Je vous défends d'aimer Isabelle. Je ne peux pas. You can't, you can't, you can't. Oui, monsieur. Oh, you can't. You can, why can't you? Why can't you? I love Isabelle, do you know? I love Isabelle, do you understand what I say? Auguste a hurri. Oui. Compris? Auguste, yes. Crockson, bon, mettez-vous là, ne bougez pas. Il le place dans la même position qu'au premier acte, s'inquiète avec la même sollicitude des plis de son veston, calcule son élan et appelle Raskas! Monsieur Raskas! Raskas entend, voilà, voilà. Crockson le prend dans ses bras, l'entraîne à l'avant-scène. Monsieur Raskas, vous êtes mon ami. Il lui serre pathétiquement la main. Raskas, oui, monsieur. Vous êtes mon véritable, mon intime ami. Oui, monsieur. Merci, merci. Il n'y a pas de quoi. Oh, si, si, si. À votre service. J'ai trouvé le moyen de vous prouver mon amitié. Je vais botter les fesses d'Auguste. Encore? Bravo, bravo. Vous avez tout à l'heure manifesté un tel enthousiasme, une telle émotion de fin connaisseur, que j'ai décidé de vous donner cette joie. Je vais botter devant vous les fesses d'Auguste. Raskas au public, il va botter les... Oui. À Crockson dans un grand mouvement. Merci, monsieur, merci. Il va dans la coulisse et revient avec une petite loge portative qu'il installe devant lui. Mais Crockson, en se retournant vers Auguste, s'aperçoit que celui-ci a profité de leur colloque pour s'éclipser. Crockson n'en peut croire ses yeux, essuie ses lunettes, constate qu'il n'est pas le jouet d'une hallucination et sort en hurlant « Auguste! Where is Auguste? Have you seen Auguste? » Raskas seul dans sa loge. Du ton que devaient avoir les sénateurs romains réclamant la mort du gladiateur, « Pousse! Pousse! Pousse! » Raskas est immobile dans sa loge. Il a un visage presque aussi sombre que son costume. Isabelle entre. Isabelle s'adressant à M. Loyal. « Bonjour, M. Loyal. Je vais vous raconter une histoire bien amusante. Tiens, vous étiez là, monsieur Rascasse ? Comment allez-vous, monsieur Rascasse ? Rascasse salue jusqu'à terre. J'ai beaucoup d'affection pour vous, cher monsieur Rascasse. Les saluts de Rascasse se multiplient. J'aime voir sur votre visage le désespoir qu'on y lit. Le visage de Rascasse se contracte affreusement. J'aime à vous entendre soupirer. Les soupirs de Rascasse sont à fondre l'âme. Je sais que je ne suis pas étrangère à toute cette tristesse. J'en suis à la fois fier et désolé. Rascasse a eu une hésitation et se décide pour un salut. Je sais que vous m'aimez, on me l'a dit, et votre attitude le prouve. Rascasse place immédiatement sa main droite à la place du cœur. Vous êtes silencieux, mais vos regards sont plus éloquents que tous les discours. Regard expressif de Rascasse. Je sais que vous me désirez follement, et je vous suis reconnaissante de me l'avoir laissé deviner sans me le dire. Rascasse mime le désir. Je sais que j'ai en vous un bras pour me servir. Rascasse fait jouer ses biceps. Un cœur pour me comprendre. Rascasse pose son index sur son front. Et une intelligence pour me seconder. Rascasse, particulièrement flatté, insiste sur ce point et salue. Isabelle, je n'aime pas les phraseurs. Ils trouvent de jolis mots pour séduire. Le langage du cœur est particulier. Le cœur ne parle pas. Il bat. Le cœur de Rascasse bat, visiblement. J'ai entendu battre le vôtre. Je sais qu'un soir, vous me prendrez dans vos bras et j'ai bien peur de n'avoir pas la force de vous le reprocher. Rascasse la prise entre ses bras. Il l'embrasse violemment sur les lèvres et alors... Enfin ! Je suis délivré ! Dit Rascasse. J'ai rompu le charme qui me paralysait. Je vais pouvoir parler maintenant. Vous me croyez silencieux, mais je suis plutôt bavard, mon naturel. C'était votre présence seule, votre adorable présence qui me paralysait. Je vais pouvoir désormais tout vous dire. Vous lisiez le désespoir sur mon visage. Vous m'entendiez soupirer. C'est qu'en effet, je soupirais parce que j'étais désespéré. Vous n'étiez pas étrangère à cette tristesse, c'est vrai. J'étais silencieux et j'avais des regards plus éloquents que des discours. Je vous désirais follement et je n'osais vous le dire. Soyez tranquille. Désormais, je ne soupirerai plus. Vous n'irez plus le désespoir sur mon visage. Je ne serai plus silencieux. Je n'aurai plus de regards éloquents. J'oserais vous dire que je vous désire follement. J'aurai le même bras pour vous servir, le même cœur pour vous comprendre, la même intelligence pour vous seconder. Isabelle, je n'en ai que faire. Bonsoir. Elle sort. Rascasse, il va au tableau noir. Voyons, supposons que pi moins l'infini égale je vous aime et que alpha plus oméga égale je n'en ai que faire bonsoir. Pi moins l'infini égalera alpha plus oméga et je vous aime égalera je n'en ai que faire bonsoir. C'est QFD, je ne comprends pas. Il efface ses calculs. Traçons un triangle. Il trace un cercle. Étant donné que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit et que deux quantités égales à une troisième sont égales entre elles, sa voix se perd. Auguste entre et dit au public « Isabelle m'a donné ses lèvres et Crockson m'a longuement botté les fesses. Ces deux choses n'ont d'ailleurs aucun rapport. Mais quelle manie a donc Crockson de me botter les fesses ? Au début, cela me faisait rire, j'y prenais presque goût et puis il tapait moins fort. » Aujourd'hui, cela ne m'amuse plus. J'ai des mouvements d'humeur et je sens bien que le cœur n'y est pas. Auguste, mon ami, tu vieillis. Il aperçoit Rascasse. Mais c'est ce cher monsieur Rascasse. Rascasse continuant ses calculs. Cosinus A. Auguste, voilà un homme heureux. Uniquement préoccupé de particularités algébriques. Il se soucie peu de l'amour. Je suis bien sûr qu'il n'est pas amoureux d'Isabelle, lui. Rascasse, égal, je n'en ai que faire bonsoir. Auguste, je brûle du désir de lui confier mon grand secret. On trouve parfois chez les savants une compassion désabusée et hautaine qui me serait un utile réconfort. Rascasse n'entend pas. Rascasse, ah, c'est vous. Auguste, ben oui, n'est-ce pas, j'avais deux mots à vous dire. Rascasse attend, immobile et muet. Voilà, je vais tout vous confier. J'aime Isabelle et Isabelle m'aime. Double sursaut de Rascasse. Je comprends votre étonnement. Je n'ose moi-même croire à tant de bonheur. Et pourtant, tout à l'heure, ici même, elle m'a donné ses lèvres. Rascasse suffoque. Elle m'a dit, vous m'aimez, prouvez-le. Alors, je le lui ai prouvé. Je l'ai embrassé, cher monsieur Rascasse. C'est aussi vrai que Dieu existe. Mais vous doutez peut-être de l'existence de Dieu. Ah, monsieur, si vous aviez, après tant de doutes et tant de souffrances, eu la joie incomparable de l'entendre dire « vous m'aimez, prouvez-le », vous vous sentiriez fier de vous. Oui, monsieur, fier de vous, je suis fier de moi, et je me dis « serait-ce mon heure ?» Rascasse lui botte les fesses. Auguste, non. Rascasse, quoi ? Auguste, non, ce n'est pas encore mon heure. Mais elle viendra, il sort en courant, Rascasse le poursuit. Isabelle entre. Elle a un petit regard circulaire, puis dit « Vous êtes seul, monsieur Loyal ? Tant mieux, je ne suis pas fâché de pouvoir vous parler un peu librement. Vous êtes mon ami et je vous souhaite bon conseil. D'ailleurs, j'avais besoin de vous consulter. Je suis aujourd'hui particulièrement indécise. » Elle lui parle à l'oreille. « Qu'en pensez-vous ? » Elle le regarde longuement. « Oui, n'est-ce pas ? Vous êtes de mon avis, j'en étais sûr. » Vous ne dites rien, mais vous me comprenez. Les autres me ressemblent trop. Crockson est un fat qui ne sait qu'escamoter les cartes. Rascasse un bavard. Et je suis sûr qu'Auguste ne sait pas faire l'amour. Ah, si l'un d'entre eux vous ressemblait. Votre âme est tellement sœur de la mienne que vos réponses sont toujours en accord avec mes désirs les plus secrets. On dit que la merveille de l'amour est de se retrouver dans les yeux de celui qui vous aime. Pourquoi faut-il que je ne me retrouve que dans les vôtres ? L'amour est silence, vous ne dites mot. L'amour est despotisme, vous avez un fouet et vous savez ne pas vous en servir. Ah, près de vous, je me sens bien, je voudrais pouvoir pleurer un peu. Elle s'y essaie. C'est plus difficile qu'on ne croit. Elle rit. Sarasca, c'est un imbécile, mais il a l'air très fort. Pois, il doit être velu. Elle se met du rouge aux lèvres en chantonnant ironiquement « Béante comme une blessure et rouge comme une blessure, petite lèvre sans gerçure. » Elle se mire complaisamment et tout soudain « J'ai de jolies jambes, n'est-ce pas ?» Elle retrousse sa robe. « Oh, monsieur Loyal, ils sont bêtes. Ils me parlent d'amour, ils me font rire. » Auguste est entré. « Savent-ils seulement ce que c'est ? » Ils s'en font trois idées différentes et leurs moyens de séduction sont les mêmes. Auguste écoute immobile et stupéfait. Elle est moins sincère déjà puisqu'il est là. Ce qui les a séduits en moi leur paraît irrésistible. Ils en essaient le pouvoir sur moi. Ma danse leur a plu, ils dansent. Mon chant les a séduits, ils chantent. Mauvais moyen, je chante et je danse mieux qu'eux. Mais l'amour, ce n'est pas ça, n'est-ce pas, monsieur Loyal ? Elle passe insensiblement et sans s'en apercevoir de Loyal à Auguste. L'amour est une bataille dans laquelle chacun lutte avec des armes différentes. Et c'est à Auguste qu'elle dit « L'amour, n'est-ce pas, monsieur Loyal ? C'est une chose à la fois plus simple et plus complexe. C'est, comment dirais-je, c'est par exemple une chambre merveilleuse. » Où être un ne veut pas dire être seul. L'amour, c'est... Je ne sais pas, moi. C'est... Le rideau tombe lentement.